il sait ses chétanes. Sa voix du shit sans cesse est arrobe à ton vice et ton vice c'est végétal. Au DT c'est du rap débit, mais ton flow est dead comme DB, mais sur la passante de Bobby Digital. Ça fait déjà un bail, toi t'es déjà die. Avec le DJ Bubs on a ravi quand j'ai dans mine. T'as la perdu comme un indigène dans un HLM. T'es déjà dead comme un skinhead qui se promène en gel là-bas. Moi j'ai déjà la dalle, oh. Si je fais un tabac, toi tu fais des détails de garrot. Au DT ou Irabar, on du rap pour attaquer des rats. Si tu nous traites de bâtards, c'est que tu connais ta rôle. Oh, ok. Pour tous les gars du Chex, Paname 75 92.